Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, comment l'écologie vint au colonialisme français ? En Polynésie, en Algérie, l'histoire des essais nucléaires français et de leurs conséquences sur les hommes, les femmes et leur environnement font débat depuis quelques mois. En Polynésie, c'est l'épidémie de Covid qui a stoppé le processus de reconnaissance des victimes des 193 essais nucléaires organisés entre 60 et 92, comme le rappelle Julien Sartre dans une enquête pour Mediapart. Pour l'Algérie, c'est un rapport publié par la fondation Heinrich Böll qui a mis les pieds dans le plat la semaine dernière. 17 essais nucléaires ont eu lieu sur place à partir de 1960, dans les airs et en milieu souterrain, dont le premier à Reggane, dans le Sahara algérien. C'était le 13 février 1960. Voici maintenant que l'heure H est proche. Vous vivez dans le blockhaus de la mise à feu, la minute solennelle de la première explosion atomique française. Certes, on pourra déplorer la pauvreté des images qui nous ont été fournies sur l'explosion dont on ne verra qu'un panache de fumée. Cela ne retire rien au fait, seule, avec ses seuls moyens, la France a fabriqué sa bombe. En ouvrant les dossiers algériens et polynésiens, c'est toute l'histoire du discours colonial qui ressurgit. Comment il est né et comment il a prospéré pour transcender et dépasser la fin des empires coloniaux. Un discours mis en histoire par Guillaume Blanc dans son ouvrage « L'invention du colonialisme vert pour en finir avec le mythe de l'Éden africain ». On y croise des ONG indignées, des chasseurs casqués et des organisations internationales protectrices des trésors de l'humanité. Et un paradigme toxique, les Africains seraient détenteurs d'une nature sauvage et intacte, mais incapables de la conserver comme il se doit, bref, ils ne la mériteraient pas tout à fait. On y croise aussi le roi lion, sa jungle colorée et ses animaux chanteurs, ses hyènes et ses phacochères, un film qui avait fait polémique à sa sortie en 1994. Souvenez-vous de ce lever de soleil magistral sur une pampa vierge de toute présence humaine qui inaugurait les premières minutes du film. On allait assister pendant près d'une heure et demie à une fable sur cette nature parfaitement coloniale en s'appliquant à oublier ses habitants. Et l'objet sur lequel se penche Guillaume Blanc pour déconstruire un discours élaboré en toute bonne conscience écologique, ce sont les parcs naturels. Parce que des parcs protégés en Afrique, il y en a environ 350. 350 sites classés qui conservent la nature pour nous, au cas où nous aurions envie d'y faire un tour, pour certains, ou pour certains, d'y faire un petit safari entre amis. Cette naturalisation de l'Afrique se fait violence quand les dispensateurs de labels prestigieux tels que l'UNESCO impriment dans leur cahier des charges des obligations qui conduisent à exproprier leurs habitants, voire à déplacer des villages entiers comme celui de Guiche au sein du parc de Simien en Éthiopie, que l'État avait réussi à faire inscrire sur la liste du patrimoine mondial en 1978. 2500 personnes sont déplacées en 2016 au motif qu'ils détruiraient leur environnement par leurs activités d'élevage et d'agriculture vivrière, sans conscience de la valeur du sol qu'ils occupent depuis des générations. L'UNESCO a félicité officiellement l'Éthiopie pour ses mesures de prévention et une fois le péril disparu, le Simien a réintégré la prestigieuse liste. Ce colonialisme vert, c'est le paroxysme des contradictions. Protéger de manière autoritaire des îlots de nature au mépris de leur population et organiser en toute bonne conscience la destruction de ce qui reste autour. Un colonialisme de notre temps, établi selon les règles internationales par des institutions vertueuses, louées par les pays réputés développés, dans le cadre duquel on crée ces conservatoires de nature, alors qu'à l'échelle nationale, on ne se donne pas la peine de prendre en considération les victimes des essais nucléaires. De tous les côtés, le coût est à la charge des habitants de ces paysages fantasmés. Merci Anaïs. L'invention du colonialisme vert de Guillaume Blanc, c'est en librairie dès le 9 septembre. Et en attendant, vous pouvez retrouver le journal de l'histoire sur le site internet franceculture.fr.